parce qu'ils veulent nous voir fuir devant le vrai. Et parce qu'ils veulent qu'on obéisse à coups de rêve. Rappelle-toi bien ces jours bénis où nous pouvions parler sans crainte. C'est le mépris, on ne parle plus, on ne pense plus et puis on porte plainte. Trop d'uniformes en métropole qui on oublie l'autocensure, l'autogestion qui fait de l'homme le roi de ses actions. Pas d'actionnaire ni financement, j'ai ça dans le sang. J'aime pas vos banques, si je m'en vends, c'est que j'ai le temps et avec lui je sens juste une seconde de réfléchir sur mon avenir et sur ma vie. Et je me dis que ça c'est sûr, je ne veux plus de mépris. Un mal s'y prendre, on en oublie le mot je t'aime. En mal de vendre se rabat sur un faux chêne. Mais parce qu'ils veulent fermer nos yeux qu'on oublie la réalité. Mais parce qu'ils veulent que l'on oublie de voir la vérité. Ils veulent un max de thunes, ils veulent la masse de trucs. Ils veulent la masse de thunes tout comme ils veulent la masse de trucs. Mais parce qu'ils veulent fermer nos yeux qu'on oublie la réalité. Mais parce qu'ils veulent que l'on oublie de voir la vérité. Tout ça pourquoi? Mais parce qu'ils veulent de la censure, de la censure. Mais attention, ils en sont sûrs et de toutes les façons. Le journaliste n'est pas le patron, juste le bras droit. Mais à ses vices qu'a l'impression d'avoir le pouvoir de son roi. Ils nous font taire à coups d'armée de CRS. La France se perd sur les conseils de son business. Qui dans le monde peut se prétendre être son souverain? Qui chez l'homme blanc n'est pas d'accord qu'on ne tue point? Trop de soldats de l'Occident sont pas chez eux. Sont dans un jeu où le coup de feu doit tuer un enfant. Qui se dit adulte doit se rendre compte et puis doit voir si on lui ment. On se masturbe mais pas le temps changer de dirigeant. Parce qu'ils le veulent, parce qu'ils le veulent, parce qu'ils le veulent, parce qu'ils le veulent. Mais parce qu'ils veulent fermer nos yeux qu'on oublie la réalité. Mais parce qu'ils veulent que l'on oublie de voir la vérité. Ils veulent un max de thunes, ils veulent la masse de trucs. Ils veulent la masse de thunes tout comme ils veulent la masse de trucs. Mais parce qu'ils veulent fermer nos yeux qu'on oublie la réalité. Mais parce qu'ils veulent que l'on oublie de voir la vérité. Tout ça pourquoi? Mais parce qu'ils veulent de la censure, de la censure. Mais attention, ils en sont sûrs et de toutes les façons.